Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Njaso inu sofion o. Olafion fike olea. Njaso inu sofion o. Olafion fike olea. Montrez-moi où est l'enveloppe. Fion fike enveloppe lea. Fion fike enveloppe lea. Montrez-moi où est la clé. Fion fike sanfle lea. Fion fike sanfle lea. Montrez-moi où est le rasoir. Fion fike rasoir lea. Fion fike rasoir lea. Montrez-moi où est le verre. Fion fike sinukopo lea. Fion fike sinukopo lea. Montrez-moi où est le crayon. Fion fike nunglanti lea. Fion fike nunglanti lea. Montrez-moi où est le téléphone. Fion fike aloka lea. Fion fike aloka lea. Montrez-moi où est la montre. Fion fike wachi lea. Fion fike wachi lea. Montrez-moi où sont les ciseaux. Fion fike ciseaux lea. Fion fike ciseaux lea. Montrez-moi où est le peigne. Fion fike aya lea. Fion fike aya lea. Montrez-moi où sont les lunettes. Fion fike chichi lea. Fion fike chichi lea.